précipite, les yeux fermés sur les dangers. Faut pas oublier de regarder à droite, à gauche. Faut faire attention si y a un camion, ça serait plutôt moche. Hello, hello, sur mon vélo, I go, sur mon vélo. Toujours en retard, je raconte des histoires pour que vos yeux voient un monsieur. Faut pas oublier de bien observer à droite, à gauche. Si d'aventure y aurait une voiture, voir à pas la prendre dans la caboche. Hello, hello, sur mon vélo, I go, sur mon vélo. Pas tomber, juste s'équilibrer, tenir le guidon. T'es un grand garçon, un peu en retard pour ton putain d'âge, un peu de brouillard qui cache ton visage. Fais gaffe à la pluie et au dérapage si tu t'enfuis en pleine.